représente ma tribu. Squad. Je mène une vie de rue. Je porte les plus beaux tissus, mais je traîne près des détritus. Je tiens le zifu. Y'a que trois issues. L'amour ne suffit plus. Autour de moi y'a que des filles nues. Pute, ça continue. Sur mon visage de nouvelles ridules. La vie est si crue. Je n'arrive plus à jouir, je simule. J'irai pas m'embrouiller avec un de mes potes juste pour un petit cul. Pétage, vais éparpiller toute ma progéniture sur ta belle figure. Splash, splash. Changer mes habitudes, arrêter avant d'être ridicule. J'ai trop arpenté le bitume, j'immortalise tout dans une pellicule. Flash. Tu te prostitues devant l'institut, c'est ce que j'insinue. 91, c'est là où je me situe. Le sang, je deviens sombre, ténébreuse et la zikmu. Wow. Je mange du fromage qui pue, avec latitude. J'essaie d'être assidu, j'ai toujours la bite dure. De grosses testicules, je garde ces putains en visu. J'avance sous l'étoile de Sirius, salope ne sois pas ambigu. Mec royal balafré, j'suis né pour attaquer. Des problèmes entassés, j'veux m'en débarrasser. J'suis perdu dans le typhon, respecte l'empereur petit con. Attends, prends un ticket, j'entends la nouche toquer. Je les frite, j'le roule et je décolle. Je remplis mes poches et je décale. Je les frite, je le roule et je décolle. Je remplis mes poches et je décale. Je fais que des sons qui tuent, mec, j'ai compris le truc. En vrai, je donne aux cochons de la confiture. J'ai trop d'ambition, toutes ces putes sont fichues. Je coupe, je conditionne et je distribue. Que des purs sang dans mon écurie. Toi, au commissariat, tu te réfugies. T'as cru que c'est gratuit, mec, t'es très stupide. Fais gaffe, t'es hors jeu, la mort est subite. Gros, t'es trop lent, faut aller plus vite. Décrypte les symboles de la République. Je suis concentré, je dois rester lucide. Avec toi, je n'ai pas prévu de fuite. Comme un mort vivant, je ressuscite. Une montre suisse pour ma réussite. Regarde les susbites régurgite. Nouvel album, c'est la fait du slip. Posé sous l'abribus, je prépare une méga mixture. Dans mes mains je tiens l'Excalibur. Je ne laisse que des salissures. Je reste serein dans mon écriture. Je touche pas aux seringues. Comme Son Goku j'ai peur des piqûres. Mec royal balafré, j'suis né pour attaquer. Des problèmes entassés, je veux m'en débarrasser. J'suis perdu dans le typhon, respecte l'empereur petit con. Attends, prends un ticket, j'entends la nouche toquer. Je les frite, je le roule et je décolle. Je remplis mes poches et je décale. Je les frite, je le roule et je décolle. Je remplis mes poches et je décale.